les cours, j'ai repris les cours, ouais. J'ai repris les cours, j'y vais pas tout le temps, mais c'est cool. J'ai repris les cours, j'ai repris les cours, ouais. J'ai repris les cours, j'y vais pas tout le temps, mais c'est cool. J'ai repris les cours, j'ai repris les cours, ouais. J'ai repris les cours, j'y vais pas tout le temps, mais c'est cool. J'ai repris les cours, j'ai repris les cours, ouais. J'ai repris les cours, j'y vais pas tout le temps, mais c'est cool. Ça y est, je vais recommencer les études, c'est décidé. Après 2 ans à me faire des thunes et voyager, j'ai eu le temps de méditer. Je veux pas finir Loufia dans un resto et quitter la school. Esquiver la chose à cause d'une gousse d'herbe effritée. Non, c'est pas comme ça que je conçois ma vie. Je la vois plutôt en camp, ça va avec toute la famille. Mais pour ça, faut bosser, faire le pèse, être certain de pas lâcher comme ma vieille paire de sébago. Les yeux braqués vers le ciel, je rêve d'être ailleurs, je suis flemmard. Mais mon crayon te perce quand je mets la gomme. Va falloir que je taffe l'école comme mes verres. Si je veux amasser les bifs, éviter de ramasser les miettes. Mais bon, j'aimerais faire ce qui me plaît. Ce serait le pied de voir le public agiter ses mains en tapant les concerts qu'il paye. Pour l'instant, moi et ma team, on reste discret. Chacun ta fance crête, pour ma part, j'entame l'université. J'ai repris les cours, j'ai repris les cours, ouais. J'ai repris les cours, j'y vais pas tout le temps, mais c'est cool. J'ai repris les cours, j'ai repris les cours, ouais. J'ai repris les cours, j'y vais pas tout le temps, mais c'est cool. J'ai repris les cours, j'ai repris les cours, ouais. J'ai repris les cours, j'y vais pas tout le temps, mais c'est cool. J'ai repris les cours, j'ai repris les cours, ouais. J'ai repris les cours, j'y vais pas tout le temps, mais à l'époque, je sais que j'abuse. J'arrête la school en 5ème à 18 ans pour faire ma thune, fumer des pêtes en indienne. Mais je connais la purge, t'inquiète, au travail, je m'y attarde pendant un an. Vu que si je me touche la verge, m'amène, c'est le padre qui me fout à la rue, j'ai pas le choix. Je vais pas dire vite tes poches, et vu que je vais pas bibi, je distribue des CV. Nique les boss qui veulent pas de moi. En attendant, j'écris des strophes, maîtrise des flots, la technique est propre. Mais j'apprécierais fort trouver un job qui me rapporte très gros. Je dois déloger des lovés. C'est pas le rap qui me rendra riche, même en tant qu'artiste, une fois posé dans les loges. Bah ouais, je ferai quoi moi avec nada dans les poches. Même fauché, je m'étonne, j'ai toujours de la cela dans un pochon. Le cash, je dois l'empocher, mes cousins. Pour ça, je dois bosser sans doser. Et puis stopper la gouza, j'ai trop zoné avec mes boucs pendant que les cours je les brossais. Pour être honnête, je posais, fumais, grattais mes proses. J'ai repris les cours, j'ai repris les cours, ouais. J'ai repris les cours, j'y vais pas tout le temps, mais c'est cool. J'ai repris les cours, j'ai repris les cours, ouais. J'ai repris les cours, j'y vais pas tout le temps, mais c'est cool. J'ai repris les cours, j'ai repris les cours, ouais. J'ai repris les cours, j'y vais pas tout le temps, mais c'est cool. J'ai repris les cours, j'ai repris les cours, ouais. J'ai repris les cours, j'y vais pas tout le temps, mais c'est cool. Ouais, c'est cool, gros. Bienvenue sur le projet. Bienvenue. Big up Kev Brown.